La radio sud-coréenne CBS a condamné le 17 la traîtrise des autorités. Elle a dénoncé le gouvernement qui prévoit de proclamer le 22 juin l'établissement de la Fondation des femmes consolatrices selon l'accord convenu avec le Japon et critiqué la convention du problème d'esclavage sexuel avec le Japon. Par ailleurs, le journal d'internet Minzo Gilbo, à la même date, a aussi critiqué dans son éditorial les autorités qui foulent au pied le droit à l'existence des ouvriers par l'ajustement structurel.